La plupart des gros vaisseaux ronds qui transportèrent les troupes furent construits dans les ports de France. Ils étaient au nombre de 1800. Un roi de France ne pourrait aujourd'hui faire un pareil armement, parce que les bois sont incomparablement plus rares, tous les frais plus grands à proportion, et que l'artillerie nécessaire rend la dépense plus forte et l'armement beaucoup plus difficile. On voit, par les comptes de Saint-Louis, combien ces croisades appauvrissaient la France. Les dépenses et les préparatifs étaient immenses. Si la fureur des croisades et la religion des serments avaient permis à la vertu de Louis d'écouter la raison, non seulement il eut vu le mal qu'il faisait à son pays, mais l'injustice extrême de cet armement qui lui paraissait si juste. Le projet n'eût-il été que d'aller mettre les Français en possession du misérable terrain de Jérusalem, il n'y avait aucun droit. Mais on marchait contre le vieux et sage Melek Salah, soudan d'Égypte, qui certainement n'avait rien à démêler avec le roi de France. Melek Salah était musulman. C'était là le seul prétexte de lui faire la guerre. Mais il n'y avait pas plus de raison à ravager l'Égypte parce qu'elle suivait les dogmes de Mahomet qu'il n'y en aurait aujourd'hui à porter la guerre à la Chine parce que la Chine est attachée à la morale de Confucius.